Bonjour, voici donc notre première rediffusion de l'été. L'émission s'intitule « Manger son prochain ». Jamais, parfois, souvent, avec Jacques-Olivier Boudon. Elle a été diffusée pour la première fois le 5 mai 2018. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Ceux que j'ai sauvés s'étaient nourris de chair. Les cordes qui servaient d'été au mât de leur radeau étaient pleines de cette viande qu'on avait mise à sécher. Le radeau était aussi parsemé de lambeaux qui attestaient la nourriture dont ces hommes avaient été obligés de se servir. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Les rangs des anthropophages semblent s'être éclaircis considérablement par les temps qui courent, en comparaison avec un bon nombre d'anciennes pratiques que diverses civilisations ont généralisées. Et pourtant, il n'est guère d'années où nos gazettes, au chapitre des faits divers, ne relatent de sombres histoires évoquant des criminels ayant ingéré leurs victimes. Tandis que les écrans continuent d'accueillir sans relâche la mise en image des plus célèbres épisodes où des catastrophes maritimes ou aériennes poussèrent les rescapés à s'entre-dévorer. Voilà bien qui peut, m'a-t-il semblé, nous engager à explorer, sur le très long terme, avec nos yeux d'aujourd'hui, l'histoire d'un des tabous les plus solides de notre monde occidental, à savoir la consommation de la chair humaine par les humains eux-mêmes. Je dis apparemment, car au cours des siècles, les exceptions ont été nombreuses sur nos rivages comme ailleurs, suscitant les commentaires d'écrivains aussi différents que, entre autres, Montaigne, Swift, Chateaubriand ou Flaubert. Mon invité, Jacques-Olivier Boudon, professeur à Sorbonne Université, ayant travaillé récemment sur le cas célèbre du radeau de la Méduse de 1816, célèbre et exemplaire pour le sujet qui va nous occuper, est en passe d'en devenir un spécialiste. Nous allons donc tirer parti de sa compétence, sinon de son expérience concrète d'un comportement pour le moins discutable, je ne l'en soupçonne pas. Et d'abord Victor Hugo, avec un fameux poème de toute la lyre, 1861, « L'ogre et la fée ». Un brave ogre des bois natifs de Moscovie était fort amoureux d'une fée. L'envie qu'il avait d'épouser cette dame s'accrut au point de rendre fou ce pauvre cœur tout brûle. L'ogre un beau jour d'hiver peigne sa peau velue, se présente au palais de la fée, salue et s'annonce à l'huissier comme prince Obrouski. La fée avait un fils, on ne sait pas de qui. Elle était ce jour-là sortie et quant au mioche, bel enfant blond nourri de crème et de brioche, dont fait par Calculus à cette calypso. Il était sous la porte et jouait au cerceau. On laissa l'ogre et lui tout seul dans l'antichambre. Comment passer le temps quand il neige en décembre et quand on n'a personne avec qui dire un mot? L'ogre se mit alors à croquer le marmot. C'est très simple, pourtant c'est aller un peu vite, même lorsqu'on est ogre et qu'on est moscovite, que de gober ainsi les mioches du prochain. Le bâillement d'un ogre est frère de la faim. quand la dame rentre, plus d'enfants, on s'informe. La fée avise l'ogre avec sa bouche énorme. As-tu vu, cria-t-elle, un bel enfant que j'ai? Le bon ogre naïf lui dit, je l'ai mangé. Or c'était maladroit, vous qui cherchez à plaire, ne mangez pas l'enfant dont vous aimez la mère. Jacques-Olivier Boudon, bonjour. Bonjour. Le poème de Victor Hugo, L'Ogre, était ici interprété et mis en musique par Julos Bocarne en 1969. L'Ogre et la fée. Peut-être doit-on rappeler l'origine de l'expression croquer le marmot, autrement dit attendre quand on ne le souhaite pas. Il semble que cela vienne de l'époque moderne ou au Moyen-Âge où le marmot était le heurt qui était sur une porte. Et croquer voulait dire frapper. Comme au jeu de croquet. Donc croquer le marmot, quand on utilisait le heurtoir en vain, cela voulait dire qu'on vous faisait faire, autre formule, le pied de grue. Ce qui voulait dire qu'on vous faisait attendre indûment. Cela ne vous choque pas que nous commencions de façon un peu badine cette conversation qui aura des aspects, je n'en doute pas, assez graves? Non, parce que le poème de Victor Hugo, d'une certaine manière, nous remet en situation autour du mythe de l'ogre, qui est un mythe qui va parcourir l'histoire de l'humanité depuis l'Antiquité, notamment depuis l'Antiquité grecque, jusqu'aux comptines, jusqu'aux contes pour enfants, remis en lumière par Charles Perrault par exemple, qui fait de l'ogre un des personnages centraux. Et le rapport entre l'ogre et l'enfant, ou les enfants, est un rapport très intéressant parce que ça nous introduit à une des dimensions de l'anthropophagie qui est cette substitution en quelque sorte, ou plutôt cette assimilation de l'enfant par le père, qui nous renvoie notamment au mythe de Cronos dans l'Antiquité grecque. Eh bien, commençons par Cronos, de fait, puisque c'est le premier des cannibales ou des anthropophages. Nous allons évoquer la différence entre les deux mots, qui consomme ses enfants. C'est Saturne dans la mythologie latine transférée. Oui, alors Cronos se débarrasse de son père, lui-même déjà anthropophage, ou plus exactement, qui n'avait pas laissé venir au monde ses enfants, notamment les titans. Quelle famille ! Voilà, c'est une famille. Et tout simplement parce que on est dans le mythe de la conservation du pouvoir. On veut refuser de transmettre le pouvoir. Et Cronos reçoit aussi la prédiction que, à son tour, un de ses enfants se débarrassera de lui, prendra le trône à sa place. Et donc Cronos va faire disparaître au fur et à mesure qu'ils naissent les enfants qu'il a de sa femme. Et seul l'un va survivre. Heureusement. Heureusement, c'est lui qui va finalement reprendre le pouvoir, c'est Zeus. Lorsque sa femme remplace un des enfants qui vient de naître, c'est lui, voilà, par un caillou. Par une pierre que Cronos ingère, donc qu'il va consommer, et Zeus est ainsi sauvé. Et Zeus va pouvoir ensuite, d'une certaine manière, chasser son père du pouvoir et faire naître, plus exactement, lui faire rendre les enfants qu'il avait consommés dans les années précédentes. Donc Il les vomit. C'est une image tout à fait étonnante. Et cette image de Cronos mangeant ses enfants a inspiré Goya, en particulier, dans une célèbre toile. En réalité, c'était une fresque sur la maison qu'il habitait près de Madrid. Qui est au Prado. Qui est désormais au Prado, puisqu'elle a été transférée sur une toile. Saturne mangeant l'un de ses enfants. Toile qui date des années 1819-1820 et qui est donc très contemporaine, exactement contemporaine, du radeau de la Méduse de Géricault. Et on peut y voir, d'une certaine manière, l'expression de ces violences qui ont marqué les guerres de la Révolution et de l'Empire et dont Goya s'est fait le peintre dans d'autres circonstances. Ne soyez pas impatients, nous allons venir très vite à ce radeau de la Méduse qui est l'objet de toutes vos curiosités, de votre vif intérêt. Mais auparavant, il est toujours intéressant de considérer le vocabulaire. Anthropophage, c'est-à-dire la consommation des hommes, est un mot grec, alors que cannibale est un mot d'origine différente. Dites-nous ce qui fait le départ entre l'un et l'autre et sa portée. Alors, Le cannibalisme désigne le fait de manger, de consommer la chair d'un être ou d'un animal de même espèce. Ça peut aussi bien concerner les hommes que concerner les animaux qui s'entre-dévorent dans la même espèce. Quelle est l'origine du mot ? C'est un mot qui vient des Caraïbes et qui donc apparaît au moment de la conquête du Nouveau Monde et pour désigner précisément, on en reparlera sans doute, ces tribus qui pratiquent l'anthropophagie et qui surprennent évidemment les conquistadors. Alors anthropophage ? Anthropophage, c'est le fait de consommer de la chair humaine, ce qui peut être le fait d'hommes, mais aussi d'animaux. Par exemple, le lion qui dévore un homme est anthropophage. Mais on n'emploie pas tellement cette expression en l'occurrence, puisque personne, en écoutant, je crois, le titre de cette émission spécifique, n'a pu croire qu'il ne s'agissait pas des hommes mangeant les hommes. En effet, anthropophage a fini par devenir un synonyme de cannibalisme. Alors, de quand date l'interdit ? Dans l'Ancien Testament, on constate la présence de l'anthropophagie. L'anthropophagie est un tabou absolu, que l'on retrouve en effet dans la tradition judéo-chrétienne à travers un certain nombre des livres de l'Ancien Testament. Et ce qui est frappant, c'est que l'anthropophagie n'est pas interdite en tant que telle dans la Bible. Simplement, lorsqu'il est question d'anthropophagie, notamment dans le Lévitique ou dans le Deutéronome, c'est quand Dieu punit les hommes et il les punit en leur imposant précisément de consommer la chair de leurs enfants. Tu mangeras la chair de tes fils ou de tes filles. Oui, c'est dans le Lévitique. Et cette menace est réitérée dans le Deutéronome. En cas de manque de foi ou de comportement blâmable, tu mangeras le fruit de ton sein, la chair de tes fils et de tes filles que le Seigneur t'a donnée pendant le siège dans la misère où t'auront mis tes ennemis. Alors on est là dans la situation où le peuple a finalement rompu le lien avec Dieu, et c'est cette rupture du lien qui peut passer par un comportement qui fait sortir les hommes, on pourrait dire, de la civilisation et les transforme en anthropophages. Ils ne sont plus, ils n'appartiennent plus, d'une certaine manière, à la société régie par le Dieu. La civilisation grecque et romaine connaît l'anthropophagie ? Oui, bien sûr. Comme je pense la plupart des civilisations, il y a eu à tout moment des cas d'anthropophagie plus ou moins affichés, avec des sources plus ou moins parlantes, mais il y a eu des cas d'anthropophagie, bien sûr. Une catégorie de cannibalisme, c'est celle du cannibalisme de survie en cas de famine. On va le retrouver continuellement de siècle en siècle, et notamment au Moyen-Âge. La famine, et on le voit d'ailleurs dans la Bible, lorsqu'il est question de siège, ce sont des populations finalement affamées qui recourent à l'anthropophagie ou au cannibalisme, le terme étant désormais anachronique pour l'époque que l'on évoque. Au Moyen-Âge, il y a un nombre très important de famines. Entre le 8e et le 11e siècle, on en dénombre, d'après les sources, et on n'est pas certain que toutes soient dénombrées, on en dénombre au moins une tous les 6 à 7 ans, et ce sont des famines qui vont conduire les populations à avoir recours à l'anthropophagie. Alors, on le sait par un certain nombre de témoignages, d'abord par les règlements, notamment ce qu'on appelle les pénitentiels, c'est-à-dire ces listes de péchés avec le tarif, en quelque sorte, qui est prévu pour punir ceux qui ont eu recours à des actes répréhensibles. Tarif élevé dans le cas du cannibalisme ? Tarif élevé. Alors justement, c'est assez étonnant parce que les pénitentiels parlent pour certains du cannibalisme, mais sont assez discrets. Et on est là dans ce tabou qui fait que on en parle peu. On a un certain nombre de témoignages pour l'époque du Moyen-Âge, on en a aussi pour le moment des croisades, mais ces témoignages sont toujours des témoignages extérieurs. C'est toujours le problème d'ailleurs d'appréhender le phénomène de l'anthropophagie, c'est qu'il est rare que les anthropophages s'expriment. On en aura des exemples, notamment pour la période très contemporaine. Mais ils y viendront. Mais pour les époques antérieures, il n'y a pas de témoignage autre qu'indirect sur ce qu'est l'anthropophagie. Eh bien, voilà un exemple, cependant, de témoignage qui est dû au moine anticonformiste, s'il en fut, qui était Raoul Glaber, qui a vécu de la fin du Xe siècle, au milieu du XIe, et qui écrivait dès 1005, alors en divers lieux, une faim horrible poussa à consommer à titre de nourriture non seulement les chairs des animaux immondes et des reptiles, mais aussi celles des hommes, des femmes et des enfants. Écoutez la suite de son témoignage. comme si désormais le fait de manger de la viande humaine était devenu une habitude, on vit quelqu'un apporter de la chair humaine cuite au marché de Tournus, comme s'il s'agissait de quelque animal. Arrêté, il ne nia pas son crime et fut lié au bûcher et brûlé. La viande fut enterrée, mais un autre la déterra nuitamment et la mangea. Il fut brûlé de même. C'est une lecture de Daniel Koenigsberg que j'emprunte à l'ami Emmanuel Laurentin dans La Fabrique de l'Histoire tout récemment sur France Culture le 11 avril 2018. Jacques-Olivier Boudon, vous retrouvez là votre Glaber ? Oui, on peut d'ailleurs rappeler qu'il écrit dans un contexte millénariste, hein, au milieu du XIe siècle, et il fait écho aussi à cette fureur divine, c'est-à-dire finalement que la famine est aussi un appel à l'expiation et le recours à l'anthropophagie renvoie à ces textes qu'on citait de l'Ancien Testament évidemment, Glaber connaît parfaitement. Il y a toujours un mélange de nécessité simple. On a faim, donc on est porté à ses extrémités. Nous en trouverons des exemples très contemporains tout à l'heure. Et puis cet aspect religieux, violer un tabou, c'est aussi violer une religion, à moins que ce soit une punition, précisément de Dieu qui vous y contraint. Oui, et dans le témoignage de Glaber, ce qui est également intéressant, c'est qu'il désigne les hommes affamés ayant recours à l'anthropophagie comme des hommes furieux. Il y a la fureur de Dieu, il y a aussi la fureur des hommes. Et finalement, dans ce combat, la fureur permet d'expliquer ce comportement anormal qui sort en tout cas des normes et des codes habituels et de briser le tabou. Et là encore, c'est un élément qu'on va retrouver à travers toute l'histoire. On explique toujours l'anthropophagie, soit en désignant l'anthropophage comme un autre, comme un sauvage, on y reviendra, soit quand on a affaire à des hommes de la civilisation occidentale, comme étant en quelque sorte sortis de leur condition humaine, atteints de folie, atteints de fureur, atteints de calenture, c'est le terme qu'on utilisera au XIXe siècle par exemple. Et devenant assimilables à des bêtes sauvages, écoutez ce que dit Adhémar de Chabannes dans sa chronique des années 1015-1028, qui dit à propos de faits de cannibalisme qui se sont déroulés en Charente, dans le peuple se déclencha une telle famine que, faite jusque-là inconnue, les gens se pourchassaient pour s'entre-dévorer et que beaucoup, tuant leurs semblables avec le fer, se repaissaient de viandes humaines, écoutez bien, à la manière des loups. À la manière des loups, c'est cela qui est peut-être le plus important. L'anthropophage devient donc un sauvage, une bête sauvage, et le terme revient là aussi très souvent, dans le cadre d'un cannibalisme qui est ici interne, un endo-cannibalisme comme on dit, c'est-à-dire un cannibalisme qui s'opère dans le groupe. La famine va conduire les individus à s'entre-dévorer, le terme revient là aussi, et finalement à opérer une sorte de sélection naturelle, il faut utiliser le terme, on se nourrit et on fait aussi en sorte qu'il y ait moins de bouches à nourrir dans un contexte où la tension est très forte et où les vivres manquent. C'est là qu'on trouve le fameux opus ironique allant vers l'absurde de Swift, Jonathan Swift, sur l'utilité de manger les petits Irlandais. C'est un texte de 1729 qui est issu de l'observation de la misère de l'Irlande sous la domination anglaise. Le témoignage de Swift, enfin plus exactement ce pamphlet, cette satire, est intéressante dans la mesure où il considère l'enfant comme du bétail, à certains égards, le comparant à des moutons, c'est-à-dire finalement qu'on pourrait garder un certain nombre d'enfants pour la reproduction et consommer les autres. Évidemment, c'est une dérision, mais c'est une façon de dénoncer la famine et les responsabilités qui en incombent à ses yeux aux occupants anglais. Il est vrai, dit Swift, qu'une mère peut sustenter son nouveau-né de son lait durant toute une année solaire, sans recours ou presque à une autre nourriture, du moins avec un complément alimentaire dont le coût ne dépasse pas 2 shillings. Somme qu'elle pourra aisément se procurer, ou l'équivalent en relief de table, par la mendicité. Et c'est précisément à l'âge d'un an que je me propose de prendre en charge ces enfants, de sorte que prendre en charge, c'est-à-dire les tuer, de sorte qu'au lieu d'être un fardeau pour leurs parents ou leur paroisse et de manquer de pain et de vêtements, ils puissent contribuer à nourrir et partiellement à vêtir des multitudes. Fin de citation. D'une certaine manière, Swift pose un problème également, qui est celui du contrôle des naissances a posteriori, qu'on retrouve là aussi à travers des cas d'infanticide qui ne sont pas uniquement liés à l'anthropophagie, mais qui sont récurrents dans l'histoire de l'humanité. Le cannibalisme est aussi lié aux fêtes de guerre et on en trouve la présence, notamment, cela peut surprendre, à l'époque des croisades. Je vois que Richard Cœur de Lion, en particulier, pratiquait l'anthropophagie dans un récit anonyme contemporain qui évoque son destin. On lit ceci, « Non par faim nos vies seront dépensées, alors que nous pouvons à chaque assaut tuer les sarrasins, prendre leur savoureuse chair pour la faire bouillir, rôtir, frire ou cuire au four et ronger la viande jusqu'à l'os. » On voit des exemples similaires au cours de la première croisade, donc à la fin du XIe siècle, en particulier lors de sièges, le siège d'Antioche, le siège de Marathe, et les chroniqueurs, par exemple Pierre l'Ermite, qui est un des principaux chroniqueurs de la première croisade, vont témoigner. Encore une fois, ce sont des témoignages indirects que nous avons sur ces faits, et ce qui est intéressant, c'est que si on les relie aux croisades, on a affaire à une anthropophagie, à une consommation de l'autre, l'autre par la religion. Il s'agit de sarrasins, c'est-à-dire de musulmans, que l'on peut consommer parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Et donc on justifie par ce biais le recours à l'anthropophagie qui, de fait, devient moins tabou que s'il s'agissait de coreligionnaires. Il y a un cas qui est resté au fer rouge dans la mémoire de la Turquie. On a mangé des Turcs durant cette première croisade, des Turcs morts au combat. En effet, notamment au siège de Marathe, donc en Syrie, on consomme des Turcs. Là aussi, cette altérité de l'être consommé permet de justifier, en tout cas d'expliquer ces comportements de la part des chroniqueurs en particulier qui en rendent compte. Par la suite survient un événement essentiel, c'est-à-dire le fait des grandes découvertes, comme on dit encore, avec l'arrivée dans un monde où les conquistadors découvrent la pratique du cannibalisme. Écoutez ce témoignage d'un aventurier allemand du XVIe siècle qui est resté captif pendant 9 mois des Tupinambas au Brésil. C'est un texte qui a été publié à son retour en Europe en 1557, qui est lu ici par Anne Le Foll dans La matinée des autres sur France Culture, le 4 décembre 1979. C'est vraiment la matinée des autres et je souhaite que les oreilles sensibles se ferment pendant un instant. Pour les autres, écoutez. Des cérémonies avec lesquelles les sauvages tuent et mangent leurs prisonniers. Après avoir bu pendant un jour, ils construisent au milieu de la place une petite cabane où le prisonnier doit coucher. Le matin, longtemps avant l'aurore, ils se mettent à danser autour de la massue qui doit servir au supplice. Dès que le soleil est levé, ils vont chercher le prisonnier, démolissent la cabane et déblaient la place. Ils ôtent la massarana de son cou, la lui serrent autour du corps et la tiennent par les deux bouts pendant un certain temps, après avoir eu soin de placer près de lui un tas de pierres pour qu'il puisse en jeter aux femmes qui courent autour de lui et menacent de le dévorer. Celles-ci sont peintes et attendent le moment où il sera coupé en morceaux pour les saisir et courir en les emportant autour des cabanes, ce qui divertit les autres. Quand tout cela est terminé, ils allument un grand feu à 2 pas de l'esclave et ils ont soin de le lui montrer. Une femme arrive alors avec la massue garnie de touffes de plumes tournées par en haut. Elle se dirige vers le prisonnier et la lui fait voir. Ensuite, un homme prend cette masse, s'avance devant le prisonnier et la lui montre aussi. Pendant ce temps, 14 ou 15 Indiens entourent celui qui doit faire l'exécution et lui peignent le corps en gris avec de la cendre. Celui-ci se rend avec ses compagnons sur la place où est le prisonnier. L'Indien qui tient la massue la lui remet. Le principal chef s'avance alors, la prend et la passe une fois entre les jambes de l'exécuteur, ce qu'il regarde comme un honneur. Celui-ci la reprend, s'approche du prisonnier et lui dit « Me voici, je viens pour te tuer, car les tiens ont tué et dévoré un grand nombre des miens. » Le prisonnier lui répond « Quand je serai mort, mes amis me vengeront. » Au même instant, l'exécuteur lui assène sur la tête un coup qui fait jaillir la cervelle. Les femmes s'emparent alors du corps, le traînent auprès du feu, lui grattent la peau pour la blanchir et lui mettent un bâton dans le derrière pour que rien ne s'en échappe. Lorsque la peau est bien grattée, un homme coupe les bras et les jambes au-dessus du genou. Quatre femmes s'emparent de ses membres et se mettent à courir autour des cabanes en poussant des cris de joie. On l'ouvre ensuite par le dos et on se partage les morceaux. Les femmes prennent les entrailles, les font cuire et en préparent une espèce de bouillon nommé mingot qu'elles partagent avec les enfants. Elles dévorent aussi les entrailles, la chair de la tête, la cervelle et la langue. Les enfants mangent le reste. Aussitôt que tout est terminé, chacun prend son morceau pour retourner chez lui. L'exécuteur ajoute un nom au sien et le chef lui trace une ligne sur le bras avec la dent d'un animal sauvage. Quand la plaie est refermée, la marque se voit toujours et il regarde cette cicatrice comme un signe d'honneur. Il reste jusqu'à la fin du jour dans un hamac et on lui donne un petit arc avec des flèches pour passer le temps. Ils font cela afin que la force du coup qu'il a donné ne lui rende pas la main incertaine. J'ai vu toutes ces cérémonies et j'y ai assisté. Il y a assisté, ce récit de Hans Staden a été un best-seller en Occident à l'époque et a contribué beaucoup à développer l'image de l'étrangeté des nouvelles terres découvertes. Quant au cannibalisme, on trouve d'ailleurs des étonnements ou des récits un peu similaires dans le cas des Aztèques. Avec le témoignage de Cortés, par exemple, qui à l'époque surprend incontestablement, de même que toutes ces pratiques qu'on découvre dans l'Amérique précolombienne, enfin, qui vient de l'époque précolombienne, et qui choque incontestablement les Occidentaux, avec ici le récit qu'on vient d'entendre, une forme d'anthropophagie qui est à caractère religieux, funéraire, avec ce rapport particulier qu'entretiennent ces tribus avec les prisonniers. On verra la même chose chez les Aztèques. C'est-à-dire, bien sûr, on se débarrasse des prisonniers qu'on ne peut pas nourrir. Ça, c'est un élément pratique. Mais il y a aussi l'idée qu'on va se saisir de la force de l'adversaire et se régénérer par la même occasion. C'est-à-dire qu'on prend une part du pouvoir. C'est un peu ce qu'on avait vu avec Hésiode dans la mythologie grecque. On s'empare aussi en dévorant l'enfant, on s'empare d'une partie de sa force. Eh bien, en dévorant le prisonnier qu'on fait cuire, vous l'aurez remarqué dans le récit qu'on vient d'entendre, en dévorant le prisonnier, on s'empare de son pouvoir, on s'empare de sa force et donc on devient plus fort et on va donc dominer ses adversaires. Ce type de pratique qui n'est pas véritablement vu par l'auteur puisqu'il parle surtout de vengeance. Il se place finalement dans un contexte très occidental. Il ne perçoit pas le caractère particulier de ces rites à la fois religieux, funéraires, qui nous sont ici décrits. Dans le cas des Aztèques, ce qui impressionne, c'est le caractère massif de ces comportements. Il y a apparemment des milliers d'ennemis qui sont de la sorte immolés et consommés. Oui, un récent livre de Michel Graulich l'a bien montré et a montré aussi que derrière l'anthropophagie à caractère religieux, il y avait aussi un goût certain pour la chair humaine, cette chair humaine que l'on fait cuire, que l'on consomme avec une certaine délectation, en particulier certaines parties du corps, et le témoignage sur les Tupinamba va dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux que l'on goûte particulièrement. Donc on n'est pas uniquement dans le sacrifice religieux, mais on est aussi dans une consommation d'une chair humaine que l'on apprécie au même titre que celle d'animaux divers et variés. Cette diversité des ressorts d'un comportement pareil, fait pour évidemment surprendre, éventuellement horrifier le monde de l'Europe occidentale à l'époque, n'empêche pas qu'il y ait des divergences d'interprétation. De ce point de vue-là, il faut dire un mot du très fameux chapitre 1.31 des Essais de Montaigne, les cannibales, où il paraît hésiter entre l'idée que ces comportements, au fond, ressortiraient à quelque chose comme une coutume guerrière fondée sur l'honneur, et d'autre part, à d'autres moments, que tout simplement cela répondrait à des nécessités peut-être médicales et en tout cas, sinon gastronomiques, du moins la nécessité de se nourrir, une contrainte alimentaire. C'est ce que montre très bien Franck Lestringant dans un livre consacré d'un point de vue surtout littéraire, au cannibale, grandeur et décadence, c'est le sous-titre. Et c'est d'autant plus intéressant que les analyses de Montaigne au XVIe siècle sont contemporaines de phénomènes que l'on va observer pendant les guerres de religion. Denis Crouzet l'a bien montré, c'est-à-dire des phénomènes d'anthropophagie parmi les combattants des deux camps, entre protestants et catholiques, des phénomènes qui renvoient à une autre image de l'autre. Le sauvage, qui est-il? Le cannibale, qui est-il? Est-ce que c'est le sauvage de l'Amérique, ou est-ce que ce n'est pas aussi le combattant de ces guerres de religion du XVIe siècle? On arrive à l'idée qu'il y a des aspects métaphoriques souvent dans le sujet que nous évoquons ce matin, Jacques-Olivier Boudon, je veux dire le cannibalisme ou l'anthropophagie. Cela va se révéler d'une autre façon pour le cas qui vous intéresse tant, celui du radeau de la Méduse, où beaucoup des contemporains vont voir l'événement comme symbolique d'autre chose que l'événement lui-même. Vous allez nous expliquer ça, mais d'abord, rappelez-nous ce qui s'est passé en 1816 au large du Sénégal. Alors, il s'est déroulé un événement classique de la marine, c'est-à-dire un naufrage provoqué par l'incompétence d'un capitaine, du roi de Chaumaret, qui n'avait pas navigué depuis 25 ans et qui va jeter en quelque sorte son navire par beau temps dans un banc de sable, le banc d'Arguin, au large de la Mauritanie. Il s'échoue, l'équipage et les passagers, 400 personnes, vont quitter le navire, pour l'essentiel dans des canots, sauf un tiers, 150, qui prennent place sur un radeau qu'on a construit à la hâte, un radeau qui va dériver pendant 13 jours, et c'est pendant cette dérive que s'opère ce cannibalisme, qui n'est pas, encore une fois, exceptionnel. On a beaucoup d'autres exemples du recours à l'anthropophagie en cas de naufrage, mais ce qui est exceptionnel dans le cas présent, c'est qu'on dispose de récits d'hommes qui ont pratiqué l'anthropophagie et qui l'ont avoué après l'événement. Au moins trois, moi j'en compte même six en réalité, parmi les 15 survivants, deux qui ont écrit des rapports au ministre, et en particulier l'officier de santé Savigny, dont le rapport est publié dans la presse en septembre 1816, et ce qui va lancer le scandale. Il y a un autre rapport de l'aspirant Coudin qui commandait le radeau, qui lui ne sera pas publié, mais qui révèle également l'anthropophagie. Et puis il y a une lettre signée par quatre survivants qui avouent avoir pratiqué l'anthropophagie, mais rendent responsable de ces actes Savigny, donc l'officier de santé, par lequel le scandale est arrivé. Je vous propose une mise en onde du procès du capitaine que vous évoquez, Hugues de Chaumaret, capitaine de la Méduse donc. C'est une adaptation radiophonique de 1956, il y a déjà 62 ans, due à Simone Dubreuil, d'après une idée originale de Robert Desnos, qui était mort, comme vous savez, en déportation pendant la guerre. Ce procès permet d'évoquer les problèmes que vous posez à bon escient. Comment se décida-t-on à commettre un acte pareillement contre nature? Il y a les circonstances. Sur ce radeau, la mort, si proche de nous, fait la vie à la fois sans prix et sans valeur. Au matin, les hommes d'équipage et les soldats découvrent les cadavres de ceux qui ont succombé la nuit précédente. Ils se précipitent sur eux, ils les coupent en tranches. Quelques-uns les dévorent crus à l'instant. Moi et mes officiers refusons d'y toucher. Il faut pourtant nous rendre à l'évidence. Cette chair humaine rend des forces à ceux qui l'ont absorbée. Alors on tient conseil et on décide de faire sécher cette viande au soleil pour la rendre plus supportable au goût. Combien dura votre résistance et celle des officiers? Peu de temps. Mais comment résister? N'avez-vous pas essayé de tromper autrement votre faim? Si, mais sans résultat. Les plus courageux ont tenté de manger du linge, les baudriers de sabre et de giberne. C'est à peine s'ils ont réussi à en avaler de minuscules fragments. Les plus chanceux dévorent le cuir intérieur des képis, assouplis par la graisse et la sueur. La pêche. Ces mers tropicales abondent en poissons de toutes espèces. Et ce fut là, en effet, notre première pensée. Nous avions recueilli toutes les aiguillettes des militaires. Avec des aiguillettes, nous avions confectionné de petits hameçons. Nous recourbâmes aussi une baïonnette, espérant prendre des requins. Hélas, les courants entraînent nos hameçons sous le radeau, où ils s'engagent. Un requin vient effectivement mordre à notre baïonnette, il la redresse et nous échappe. Le matin du quatrième jour, 12 autres de nos compagnons sont morts de faim et jonchent le radeau. Cette vue fait plus que la faim même qui nous dévore. Nous allons, nous aussi, mourir d'inanition. la vanité de notre refus nous apparaît. Oui, mais la crainte de Dieu, le respect humain. La peur fut la plus forte. Pourtant, nous avons mêlé nos prières à ces agapes. Monsieur de Parnajon de l'Argus affirme que lorsque son bateau vous découvrit et vous sauva, des quantités de cette viande séchaient dans les gréments. Est-ce à dire que vous vous êtes habitué à cette nourriture sacrilège? L'accoutumance nous fit, en effet, oublier par instant son origine. J'essayais pourtant d'éviter les excès. Des 12 cadavres de la troisième nuit, j'en fais projeter 11 à la mer chrétiennement. Un seul, tiré au sort et conservé. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Cette archive vous paraît, Jacques-Olivier Boudon, fidèle à ce que vous nous dites, à ce que vous savez de cet événement hors norme que fut le radeau de la Méduse? Alors il y a une recréation naturellement qui est liée à la fiction, puisque au cours du procès du roi de Chaumaret, il n'a jamais été question du radeau et des conditions de vie sur le radeau, ni donc du cannibalisme qui s'y est pratiqué. Alors bon, mais alors? Donc là, les témoignages qu'on a entendus, enfin le témoignage qu'on entend, c'est le rassemblement des différents éléments que l'on possède sur la pratique du cannibalisme, qui proviennent des témoignages de Savigny, de Coudin en particulier, et qui révèlent bien la situation telle qu'elle est sur le radeau, mais une situation qui est vécue et racontée par les représentants des officiers, c'est-à-dire de l'élite, confrontée à la masse des soldats et des matelots, avec des rixes, des combats qui vont être permanents pendant les premiers jours de la dérive du radeau. Et ce que l'on voit bien, c'est la rapidité avec laquelle les hommes ont eu recours au cannibalisme, à l'anthropophagie. Les officiers disant que ce sont les soldats qui ont commencé les premiers. Ils commencent les premiers, ils sont décrits comme des sauvages, que se jetant sur les corps morts de leurs camarades et les dévorant à pleines dents, les dévorant crus. Alors que les autres ont utilisé des fourchettes et des couteaux? Alors que les autres, les officiers, d'abord prennent, disent-ils, certaines distances, ils attendent quelque peu et ils vont faire sécher la viande, une viande préalablement salée puisque trempée dans de l'eau de mer, en quelque sorte, ils consomment quelque chose qui ressemblerait à de la viande des grisons. Et laisse penser qu'on est déjà passé dans un autre stade, on est moins dans la sauvagerie, même si il est aussi question de ce tabou brisé. L'anthropophagie se fait raffiner, c'est ça? Elle se fait raffiner d'une certaine façon, en tout cas dans le récit qui est fait, avec une justification que l'on n'entend pas là, mais beaucoup de termes visant à expliquer pourquoi on a eu recours à l'anthropophagie, la peur. Il en est question dans le témoignage en question, mais aussi ces comportements déviants, ces comportements liés à la déshydratation va conduire à ce que ces hommes, finalement, aient des troubles du comportement, ce qu'on désigne à l'époque comme une sorte de folie, on l'appelle la calenture. C'est un phénomène qui avait été également étudié par le baron Larrey au cours de la campagne de Russie. Le grand chirurgien de Napoléon. Et Savigny, rentré du Sénégal, va consacrer sa thèse de médecine à cette maladie qu'il décrit donc et à laquelle il attribue les comportements irrationnels qu'ont eu les hommes sur le radeau. Pendant cette nuit, dit-il, j'éprouvais des douleurs presque insupportables à la région épigastrique. La soif que je ressentais était très modérée. Mes jambes pouvaient à peine me soutenir. Ma vue était troublée. J'allais perdre la raison. C'est une façon de se libérer de l'impression d'avoir violé une morale fondamentale. Oui, parce qu'on sort de sa condition humaine, en quelque sorte, en devenant fou, en perdant la raison. Là aussi, c'est un argument que l'on va voir dans différentes affaires, y compris très récentes. La folie permet de comprendre, sinon d'expliquer, ce qui s'est produit sur le radeau. À une époque où la disparition de l'interdit montre qu'on n'y était plus guère habitué, dans le code pénal de 1810, aucune mention de l'anthropophagie. Et c'est toujours vrai d'ailleurs, le code pénal ne punit pas les faits d'anthropophagie en France. Ne le dites pas trop fort. Mais en revanche, il y a d'autres articles visant notamment l'atteinte à l'intégrité du corps ou les actes de barbarie, mais beaucoup plus récents, qui permettent de punir des actes d'anthropophagie. Mais le code pénal n'en parle pas. Pas plus que les traités de théologie morale de l'époque. On est assez frappé de voir ce silence qui s'explique par le fait qu'on ne pense pas possible le recours à l'anthropophagie. Et pourtant, le fond de tableau, c'est que le public lettré a redécouvert, à travers les récits de voyage, le cannibalisme. Il sait que James Cook, par exemple, a été tué au cours de son troisième voyage et en partie consommé par les habitants des îles Hawaï. Et on se patiente pour les aventures du comte de La Pérouse. On dit que tout proche de l'échafaud, Louis XVI aurait demandé de ses nouvelles. Il semble aujourd'hui qu'il peut bien être mort de pareille façon. Mais cette anthropophagie-là, elle découle d'une autre humanité en quelque sorte. Ce sont ce qu'on appelle les sauvages, avec d'ailleurs ce dilemme, parce qu'on est aussi dans ce XVIIIe siècle où l'on met en avant la figure du bon sauvage, et donc le décrire comme anthropophage ou cannibale pose problème, et d'ailleurs pour Cook, on va discuter de savoir quelles ont été les conditions de sa mort. Cette ambivalence se retrouve dans Robinson Crusoe de Faux, puisque Vendredi est d'une certaine façon du bon côté des sauvages, mais que il rejoint Robinson parce qu'il a échappé à d'autres sauvages qui sont, eux, cannibales. Robinson surprend Vendredi et donc ses geôliers en train de pratiquer le cannibalisme. Il sauve Vendredi et finalement Vendredi va passer de son côté en apprenant l'anglais et en se convertissant au christianisme. On voit donc comment l'ambivalence se fait entre le monde occidental et les autres mondes. Et on n'imagine pas à ce moment-là, même s'il y a beaucoup d'échos de pratiques de ce type, mais on n'imagine pas possible l'anthropophagie. Et on va voir progressivement, néanmoins, celle-ci s'affirmer comme possible, notamment du côté du romantisme. Un des précurseurs, c'est Chateaubriand, que j'évoquais tout à l'heure, et qui, dans ses mémoires d'outre-tombe, parle de sa visite auprès des Indiens du Niagara, et qui dit qu'au commencement de la guerre de l'indépendance américaine, les sauvages mangeaient encore les prisonniers, ou plutôt les tuaient. Un capitaine anglais, puisant du bouillon dans une marmite indienne avec une cuillère, en retira une main. Fin de citation. C'est assez sinistre. C'est sinistre et en même temps, Chateaubriand incarne bien ce courant romantique fasciné par le cannibalisme et fasciné aussi par une anthropophagie dont je disais que les pouvoirs publics ne pensaient pas qu'elle soit possible, mais dont on a des témoignages sur l'époque de la Révolution et de l'Empire. Le thème, par exemple, du peuple cannibale, qui est largement fantasmé, mais qui repose tout de même sur des éléments concrets, c'est-à-dire l'idée que ce peuple révolutionnaire s'en serait pris aussi à l'intégrité des corps qui étaient en particulier guillotinés au moment des massacres de Septembre, par exemple, ou au moment de la Terreur. Ce sont des éléments que l'on voit mis en avant. On l'évoque aussi à propos de la mort de l'exécution du député Féraud en 1795. Oui, mais ça marche dans l'autre sens aussi, puisque l'ogre, ce peut être le souverain que l'on met à mort. Le souverain est également considéré comme un souverain anthropophage, et la plus belle image de ce souverain anthropophage, ce sera Napoléon lui-même, qui est décrit, et on revient à ce mythe de l'ogre, qui est décrit comme l'ogre de Corse. Ogre, pourquoi évidemment pas manger littéralement ses concitoyens, mais il a dévoré à travers la conscription, à travers les pertes des armées qu'il a conduites à travers l'Europe, il a dévoré en quelque sorte ses hommes. On va même citer le chiffre d'1,700,000, très exagéré, de pertes pour les armées napoléoniennes, mais cette image de l'ogre de Corse va fortement imprégner les esprits, et précisément après la chute de Napoléon, au moment où se libère cette voix qu'exprime Savigny en particulier, on ose enfin parler d'anthropophagie, on ose parler de cannibalisme, et j'estime, pour ma part, que c'est aussi une façon d'exprimer un non-dit, un refoulé, qui date des guerres de la Révolution et de l'Empire, où on le sait par différents témoignages, on a pratiqué l'anthropophagie, et en particulier au moment de cette si terrible campagne de Russie en 1812. D'ailleurs, Stendhal dit quelque part, la Méduse, c'est notre histoire de Russie. Le plus frappant, sans doute, c'est que sur le radeau, il y a un personnage qui me plaît beaucoup, Touche la Villette. C'est ce personnage que Géricault va consulter, qui va construire, parce qu'il est charpentier, qui va construire une réplique du radeau. Et ce Touche la Villette a participé aux campagnes de napoléoniennes et donc a conservé cette mémoire aussi de ce qui s'est passé jusqu'en Russie en 1812. Alors en Russie, c'est un phénomène récurrent et la plupart des auteurs qui en parlent décrivent ces scènes de soldats qui sont complètement hagards, qui vont être pris par les flammes et que l'on va consommer ainsi au cours de la retraite de Russie. Et on attribue naturellement à l'adversaire aussi des pratiques aussi barbares. Je parle des Russes. Le fil va durer longtemps puisque au moment de la Seconde Guerre mondiale, Jacques Doriot, un des grands chefs de la collaboration avec l'Allemagne, explique que les soviétiques pratiquent largement l'anthropophagie sur le front russe. C'est un discours du 20 avril 1942. Le son n'est pas très bon, mais le fond mérite qu'on écoute, Jacques-Olivier Boudon, qu'on écoute ce morceau. Au cours des années, on a pu découvrir des fleurs russes qui avaient le vent ouvert. Eh bien, c'est parce que le cœur et le foie sont deux produits de choix et que le cannibalisme est très développé dans l'armée soviétique. On se dit, mais ce n'est pas possible. Je vous jure sur l'honneur que des milliers de cas ont été trouvés sur le front. On a fait un colonel prisonnier sur le front de Leningrad. Et ceux qui l'avaient pris me racontaient. On avait trouvé à côté de lui un de ses lieutenants, mort sans doute. On lui a demandé, mais enfin, qu'avez-vous fait? Je lui ai mangé le foie. Et il a ajouté ce mot terrible, ce mot abominable. Il prouve à quel degré de bestialité ces gens sont tombés. Le foie était meilleur que le cœur. Eh bien, Jacques-Olivier Boudon, voilà une permanence. Sans doute, Jacques Doriot ignorait-il que le maréchal Kutuzov avait tenu des propos similaires, mais beaucoup plus urbains, pendant la campagne de Russie, en décrivant dans une lettre à sa fille le cannibalisme pratiqué par les soldats français, observé avec quelques étonnement par les Russes. C'est toujours l'autre qui est un cannibale. C'est toujours l'autre, oui, en effet, qui est un cannibale. Et alors évidemment, on retrouve ici, avec l'exagération propre à Jacques Doriot, on retrouve l'image de l'étrangeté, la Russie qui est lointaine, ce sont ces mondes orientaux. On le voyait déjà avec le poème de Victor Hugo et la Moscovie, ce sont des régions très lointaines où l'on imagine donc que les populations pratiquent le cannibalisme. Alors cela dit, vu les conditions dans lesquelles combattent l'armée soviétique entre 1941 et 1944, il y a forcément ce type de comportement qui a pu exister. De même qu'on sait que les grandes famines en Union soviétique, par exemple en Ukraine dans les années 30, ont conduit à ce cannibalisme de survie que l'on a évoqué pour d'autres époques et qui sont attestés en Union soviétique. Ils le seront également dans les années d'après-guerre, comme ils le seront aussi dans une autre région qui est la Chine, par exemple dans les années 60. Donc, au moment de la révolution culturelle. Donc ce sont des phénomènes dont on a connaissance, qui évidemment sont ici grossis par Doriot, qui récupère une thématique classique sur l'autre, le sauvage, le cannibale. Peut-être ce propos, d'ailleurs, ne peut-il s'expliquer que parce que continue de circuler depuis l'époque romantique un mythe de l'anthropophagie qui parcourt la littérature, par exemple Jules Verne, dans Les Enfants du Capitaine Grant, qui décrit longuement une scène d'anthropophagie, et puis bien sûr les chansons pour enfants, les contes, ça remonte aux frères Grimm, et cela continue. Parfois nos aimables rejetons n'ont pas toujours saisi, peut-être l'ont-ils fait, ce qu'il y avait de terrifiant dans certains contes que nous leur avons narrés. Le Chaboté, par exemple, le Petit Poucet, ce sont des contes qui paraissent assez gentillets au premier abord. Qui même le loup du Chaperon Rouge. Le loup du Chaperon Rouge, qui est en réalité un homme déguisé, bien entendu, en animal, mais qui renvoie aussi à la peur du loup. Mais ça, c'est une autre question. Les contes pour enfants sont remplis de scènes d'anthropophagie, et notamment dans cette relation très particulière entre l'ogre et l'enfant. Et on retrouve la même thématique dans le cinéma et dans la bande dessinée. J'ai souvenance que dans cette œuvre mineure, mais néanmoins intéressante d'Hergé, Josette et Joko, il y a un album, je crois que c'est le Manitoba ne répond plus, où on engraisse les deux petits-enfants belges pour les destiner à la broche. Heureusement, ils s'échappent avant. Et puis, il y a cette chanson célèbre, Il était un petit navire, où on raconte finalement le destin d'un mousse qui est promis à être consommé par ses partenaires du bateau qui n'ont plus rien à manger. Et alors finalement, il finit par s'en sortir. Mais c'est une thématique courante, et en particulier dans le milieu maritime. Alors je voudrais que nous terminions cette conversation sur l'anthropophagie à travers les siècles, d'âge en âge, Jacques-Olivier Boudon, en évoquant la résurgence du phénomène du côté plutôt du cannibalisme de survie, avec peut-être aussi de l'anthropophagie psychopathologique au XXe siècle, et qui continue de fasciner nos contemporains. Il y a en particulier le cas de cet avion qui était tombé dans les Andes. et on avait renoncé à le chercher. Il était blanc sur fond blanc. Il a fallu que les voyageurs se sauvent d'eux-mêmes, non sans que beaucoup de morts soient restés sur le terrain et non sans qu'ils aient retrouvé la pratique de l'anthropophagie. Écoutez cet extrait des dossiers de l'écran d'Armand Jameau sous le titre bien choisi « Qu'aurions-nous fait ?» Point d'interrogation, ce qui renvoie évidemment à la sensibilité des spectateurs très directement. C'est une émission de l'ORTF le 14 mai 1974 et vous allez entendre les témoignages des rescapés de ce crash. Pendant plusieurs jours, nous avons hésité. Nous n'arrivions pas à nous décider à le faire. Et puis j'ai dit, allez, il faut y aller. Il faut couper. C'est un de ces moments où il faut que le corps accepte de faire ce que l'âme refuse. Nous étions trois, avec Gustavo et Daniel, qui, le pauvre, a ensuite été emporté par l'avalanche. Nous avons coupé un morceau. Et la bouche ne voulait pas s'ouvrir, comme si elle n'acceptait pas. Notre répulsion était si grande, tout cela était si horrible. Je pensais alors, quel pauvre diable je suis. Je suis bien peu de choses. Nous étions très malheureux. Nous nous sentions avilis. Naturellement, le fait d'être catholique a aidé à bien des personnes qui étaient avec nous. Surtout parce que nous avons comparé ceci à la communion, au corps du Christ, puisque le Christ a livré son corps à ses apôtres, il leur a livré son corps et son sang. Eh bien, nos amis ont été aidés considérablement par cette idée de la communion pour pouvoir survivre. Dans mon cas, par exemple, eh bien, j'ai vu un fait beaucoup plus important que la comparaison avec la communion. Dans cet avion, j'ai vu mourir ma mère et ma sœur. Et je savais que mon père était chez lui, était très triste. Eh bien, moi, j'ai dit en une seule minute, il faut que je fasse absolument l'impossible pour sortir de là où je suis. Ce qui fait que manger de la chair humaine, c'était horrible, ça je reconnais, mais cela m'a permis de me sauver et de retrouver mon père, qui est ce qui est de plus cher au monde pour moi-même. Ce dernier aspect me paraît intéressant, je qu'Olivier Boudon, cela renvoie aux violentes critiques des protestants contre les catholiques, au moment des guerres de religion notamment, où ils expliquaient que l'Eucharistie, c'est-à-dire l'ingestion du corps et du sang du Christ, c'était un rituel païen. Parce que les catholiques considèrent que l'hostie, c'est le corps du Christ, ce qui d'ailleurs pose problème sur le rapport que l'on peut avoir à l'anthropophagie, dans la mesure où, d'une certaine manière, l'Eucharistie, c'est l'ingestion d'un corps, du sang, la chair, le sang. Le témoin du crash parle de communion. On peut aussi parler de résurrection. Dans la consommation, dans l'Eucharistie, dans la consommation du corps du Christ, il y a cette idée de résurrection à venir, c'est-à-dire de régénération, en quelque sorte, mais aussi de survie dans l'immortalité. La comparaison est intéressante parce que on voit bien que ce qui se passe dans les Andes en 1972, qui est d'ailleurs assez proche de ce qui s'est passé sur le radeau de la Méduse, avec cette difficulté à consommer la chair humaine, ce rapport à la religion qui est également très important. On a affaire à des Uruguayens catholiques. Il y aura 16 survivants. Il y en avait 15 sur le radeau de la Méduse. En 1816, quand ils rentrent en France, certains craignent d'être fusillés, donc qu'il y ait une punition pour l'acte qu'ils ont accompli. On voit à peu près la même chose en 1972. Et ce rapport à la religion qui va les conduire à se confesser, alors qu'au départ, ils ont eu des difficultés à avouer l'acte commis dans l'avion ou près de l'avion. Comme en 1816. Comme en 1816, non seulement ils se confessent, mais ils reçoivent l'absolution du pape, Paul VI à l'époque, dans un geste qui montre aussi que l'Église, et on l'a vu déjà précédemment, peut admettre le recours à l'anthropophagie dès lors qu'il s'agit d'un cannibalisme de survie. Et on est exactement dans ce cadre-là avec l'avion Andin de 1972. Il reste le volet psychopathologique qui est toujours présent aujourd'hui, de proche en proche. On voit ressurgir récemment en Russie, antérieurement à Paris, avec ce fameux étudiant japonais qui avait tué puis mangé une camarade de faculté. Issei Sagawa, qui avait en effet consommé une étudiante néerlandaise en 1981. Il a finalement apparemment été transféré au Japon et il a quitté assez vite sa prison. Il est devenu une sorte de vedette assez régulière des émissions de télévision là-bas. Il a été libéré en effet 4 ans après les faits, et en fait il avait été jugé irresponsable, et donc cette idée de folie qu'on a déjà vu apparaître est remise en avant, sans doute à juste titre, je n'ai pas à en juger, mais cette dualité entre le recours à l'anthropophagie et la démence en quelque sorte est un trait constant, comme si les contemporains avaient du mal à admettre qu'on puisse avoir recours à l'anthropophagie. Il faut donc être sorti de sa condition humaine pour pouvoir expliquer cette pratique. Certains ont dit que le choix d'être végétarien, c'est-à-dire de refuser toute viande carnée, pouvait être l'extrême pointe de l'observation du tabou de l'anthropophagie. Il y a d'autres tabous alimentaires dans les religions judéo-chrétiennes, dans l'islam. Il y a des interdits alimentaires, le plus connu étant bien entendu le porc. Mais il y avait déjà des animaux dont on ne pensait pas pouvoir consommer la chair. Alors il y a toute la question du cheval en particulier qui parcourt les civilisations. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que la consommation du cheval par des chrétiens pose encore problème, alors qu'elle n'est pas interdite, mais elle est culturellement mal vécue. Même chose pour le chat que nous évoquions la semaine dernière. Pour le chat, le chien, certaines civilisations consomment ces animaux. Le lapin ne se consomme pas dans tous les pays scandinaves, par exemple. Tout à fait, mais on sait par exemple qu'au moment de la Commune de Paris, enfin du siège de Paris plus exactement, en 1870-1871, on a consommé chiens, rats, animaux du zoo de Vincennes. Bref, les interdits alimentaires, autres que bien sûr l'interdit de consommer de la chair humaine, font que à toutes les époques, on a considéré que la consommation de viande pouvait être un problème, d'où pour certains effectivement cette abstraction, cette volonté de ne pas y avoir recours. Eh bien voilà une façon pour finir, Jacques-Olivier Boudon, d'élargir la focale par rapport au sujet que nous avons traité, celui de l'anthropophagie, dont le point de départ, je le rappelle, était votre livre sur les naufragés de la Méduse, paru il y a 2 ans chez Belin en 2016. Et puis, puisque nous avons évoqué l'anthropophagie lors des campagnes de Napoléon, notamment en Russie, je cite votre livre « Napoléon et la campagne de Russie 1812 » chez Armand Collin, paru en 2012, c'était un anniversaire. Franck Lestringant, je l'ai cité, a publié un livre sur le cannibalisme, grandeur et décadence, consacré surtout à la période de la Renaissance. Angelica Montanari est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Cannibale, histoire de l'anthropophagie en Occident », paru chez Arquet en 2018, qui met beaucoup l'accent sur l'histoire de l'art. Et puis il faut citer également le livre de Vincent Vandenberg, qui s'appelle « De chair et de sang »,« De chair et de sang », »,« Images et pratiques du cannibalisme de l'Antiquité au Moyen-Âge », paru aux presses universitaires de Rennes et aux presses universitaires François Rabelais. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète encore sur notre site et avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission, à table éventuellement. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, réalisée par Anne Kobilac, avec Nicolas Delmas à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'INA, Annie Lozana et Clary Monac. Au bout de 5 à 6 semaines, les vivres vinrent à manquer, les vivres vinrent à manquer, ohé, ohé. On tira à la courte paille, on tira à la courte paille. Vous venez d'entendre une émission consacrée au sujet suivant, manger son prochain. Jamais, parfois, souvent, avec Jacques-Olivier Boudon, elle a été diffusée le 5 mai 2018. La semaine prochaine, nous nous retrouverons autour de l'émission pour laquelle j'avais invité Martial Poisson, le 30 juin 2018, sur le thème « Au théâtre ». Chahut et scandale. Vous amuse, si cette histoire vous amuse, nous allons la recommencer, nous allons la recommencer. Ohé, ohé. Il était était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé. Il entreprit un long voyage, il entreprit un long voyage sur la mer Méditerranée, sur la mer Méditerranée. Ohé, ohé. Au bout de 5 à 6 semaines, au bout de 5 à 6 semaines, les vivres vinrent à manquer, les vivres vinrent à manquer. Ohé, ohé.